Chapitre 13. Confession. Et alors, comme la jeune fille restait sans répondre, ce regard vague fixé sur une rêverie lointaine, il prononça. « Vous prenez du thé, dites ?» Elle rassembla ses esprits, fit « Oui, merci » avec un faible sourire, et se laissa aller sur une chaise. Il se mit aussitôt à la faire parler, dans le but de dissiper la contrainte qui le séparait d'elle, comme une invisible présence étrangère. « Vous devez avoir faim. »« En effet. Je regrette de n'avoir rien de mieux à vous offrir. J'aurais bien couru chercher quelque chose de plus substantiel, mais... »« Mais, » fit-elle en se servant posément de biscuits et de jambon en boîte, « je ne croyais pas prudent de vous laisser seule. Était-ce avant ou après que vous ayez pris votre décision à mon sujet ?»« Plutôt après, je pense, » appuya-t-elle avec une pointe de malice. « Avant, » répliqua-t-il calmement, « et aussi après. » De toute façon, il n'eût pas été prudent de vous laisser seul ici. Supposez qu'en vous éveillant seul dans cette maison inconnue, vous m'ayez trouvé parti. Je suis éveillée depuis plusieurs heures, interrompit-elle. Je me suis vue sous clé, et je n'ai entendu aucun bruit m'indiquant que vous étiez encore là. Je le regrette, j'étais éreintée, et j'ai dormi comme une souche. Mais prenons le cas. Vous seriez parti, seul, sans un sou? En passant par une porte fermée à clé, monsieur Lagnard, je ne l'aurais pas laissé ainsi, expliqua-t-il patiemment. Vous vous seriez trouvé sans amis et sans ressources dans une ville que vous ne connaissez pas. C'est juste, mais qu'y faire? En désespoir de cause, vous auriez peut-être été forcé de retourner et d'exposer le résultat de mes investigations. On aurait su tirer de vous des détails nuisibles pour moi, supposa aimablement Lagnard. « En tout cas, vous auriez été forcé de reprendre des relations dont vous êtes débarrassé. »« Vous en êtes sûr ?»« Il me semble. »« Comment pouvez-vous le croire ? » s'exclama-t-elle. « Vous ne me connaissez pas même depuis 24 heures. »« Mais je connais mieux les associations. »« Même si vous vous étiez abaissé à jouer le rôle d'espionne la nuit dernière, mademoiselle Bannon, vous n'auriez pu le soutenir. »« Il vous aurait fallu fuir à nouveau le contact pernicieux de cette bande de chacals. » « Pas seulement pour vous tenir en observation? Vous en êtes sûr ?»« J'en suis sûr. Vous m'avez donné votre parole là-dessus. » La jeune fille acheva tranquillement de boire son thé et s'adossa, regardant fixement son compagnon. Puis elle dit, avec un rire singulier, « Vous avez une manière à vous de prendre les gens par l'honneur. »« Je n'en ai pas besoin, avec vous. » Elle médita cette parole, avec une certaine inquiétude. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que je n'ai pas besoin de vous prendre par l'honneur, parce que je suis sûre de vous. Même si je ne l'étais pas, je m'abstiendrai de vous demander aucune promesse. Il s'arrêta et haussa les épaules avant de poursuivre. Si je me méfiais encore de vous, mademoiselle Bannon, je vous dirais, la porte est ouverte. Allez-vous-en si vous voulez. Retournez à la meute. Lui faire votre rapport, et ils agiront à leur guise. Croyez-vous que je me soucie d'eux? Vous figurez-vous un instant que je crains un seul de toute la bande? Voilà qui sent singulièrement l'égoïsme. Soit, répliqua-t-il, c'est la fierté de caste si vous voulez savoir. Je m'estime d'un rang supérieur à ce vil troupeau. J'ai de l'intelligence au moins. Je sais veiller sur moi. Il aurait pu lire sur le visage de la jeune fille, plus que tout autre sentiment, de la tristesse et du désappointement. Pourquoi vous vantez-vous comme cela, avec moi? Moins par vanité que par mépris pour un tas de chiens infâmes, par irritation d'avoir à m'occuper d'individus comme Popinot, Wertheimer, De Morbihan et toute la séquelle. Et Bannon, rectifia-t-elle calmement, c'est cela que vous voulez dire? Ma foi, bégaya-t-il décontenancé. Cela m'est égal, affirma-t-elle. Je comprends fort bien, et aussi étrange que cela puisse vous paraître, cela ne m'émeut pas du tout. Et répondant par un faible sourire à son regard ébahi, « Je sais ce que je sais, » ajouta-t-elle sibylline. « Je donnerais beaucoup pour apprendre ce que vous savez, » murmura-t-il confus. « Mais d'abord, que savez-vous, » reprit-elle, « contre Monsieur Bannon, contre mon père, c'est-à-dire, qui vous porte à nous soupçonner tous deux, lui et moi ?»« Rien. » avoua-t-il, je ne sais rien, mais je soupçonne tout et chacun. Et plus j'y pense, plus j'examine de près cette sinistre affaire de la nuit dernière, plus je crois sentir sa volonté à lui derrière tout cela, comme on devinerait une figure dans l'obscurité, derrière un carreau éclairé. « Oh, riez si vous voulez. Cela paraît bien tiré par les cheveux, mais c'est là ce que j'éprouve. Qu'est-ce qui vous a amené dans ma chambre, sinon ces ordres? Pourquoi fraye-t-il avec deux morbillons, s'il n'est pas apparenté à cette espèce? Pourquoi vous enfuyez-vous d'auprès de lui, sinon parce que vous avez découvert son rôle dans cette conspiration ?» Il ne reçut pas de réponse. La jeune fille resta immobile et attentive, soutenant son regard sans broncher. Cette impassibilité irrita le jeune homme. « Eh bien, affirma-t-il avec chaleur, si j'osais me rapporter à mon intuition, pardonnez-moi si je vous peine. » Elle l'interrompit avec impatience. « Je vous ai déjà prié de ne pas tenir compte de mes sentiments, monsieur Lagnard. Si vous osiez vous en rapporter à votre intuition, qui aurait-il alors ?»« Eh bien alors, je croirais que monsieur Bannon, votre père, je croirais que c'est sur son ordre qu'on a tué le pauvre Roddy. » Elle manifesta une surprise horrifiée et à demi incrédule. « Roddy ? » répéta-t-elle, quasi dans un souffle, blêmissante. « Roddy ?» L'inspecteur Roddy, de Scotland Yard, prononça-t-il impitoyable, a été assassiné pendant son sommeil la nuit dernière à l'hôtel Troyon. Le meurtrier a pénétré dans sa chambre en passant par la mienne. Toutes deux communiquent. Il s'est servi de mon rasoir, a revêtu mon kimono pour protéger ses vêtements, a tout fait pour jeter le soupçon sur moi. Et quand je suis rentrée, m'a assailli dans l'intention de me droguer et de me laisser inanimée afin que la police me trouve là. Par bonheur, je l'ai devancé. Je venais juste de le laisser droguer et inanimé à ma place quand je vous ai rencontré dans le corridor. Vous l'ignoriez ? Comment pouvez-vous le demander ? Gémit la jeune fille. Penchée en avant, un coude sur la table, elle se tordait les mains, si fort que ses doigts en devinrent blancs, mais moins blancs que son visage, dont les yeux remplis d'horreur, de surprise et de pitié, imploraient ceux du jeune homme. « Vous ne me trompez pas, mais non, quelle raison auriez-vous » bégaya-t-elle. « Mais c'est terrible, c'est indiciblement affreux !»« J'en suis fâchée, » murmura Lagnard, « je ne vous aurais rien dit si je n'avais pas cru que vous saviez. » « Vous croyez que je savais et que je n'avais pas levé un doigt pour sauver cet homme ? Oh, est-ce possible ? Non, ce n'est pas cela, je n'ai jamais cru cela, mais vous rencontrons aussitôt après, si à point je ne pouvais ignorer la coïncidence. Et quand vous m'avez dit que vous vous enfuyiez d'auprès votre père, vu toutes ces circonstances, j'étais bien autorisée à croire que ce qui vous chassait, c'était la suite, du moins en partie, de ce qui s'était passé. » Elle secoua tristement la tête, et son indignation décrut aussi vite qu'elle s'était levée. « Je comprends, » fit-elle. « Vous aviez là une excuse, mais vous vous trompiez. Oui, je me suis enfuie, mais pas à cause de cela. Je ne songeais pas à... » Elle retomba dans le silence et s'assit, la tête penchée et se tordant les mains, de sorte qu'elle faisait peine à voir. « Oh, je vous en prie, » implora-t-il. « Ne le prenez pas aussi à cœur, mademoiselle Bannon. Puisque vous ne saviez rien, vous ne pouviez rien empêcher. »« Non, » fit-elle avec incohérence, « je n'aurais rien pu faire, mais je ne savais pas. Ce n'est pas cela, c'est l'horreur et la pitié que j'en éprouve, et que vous ayez pu croire. » »« Mais je n'ai rien cru, » protesta-t-il, « vraiment non. Et quant à ce que je pensais, croyez-moi, je suis vraiment désolée pour l'injustice que je vous ai faite. » »« Vous aviez toute raison, » reprit-elle. Non seulement à cause des apparences, mais en réalité jusqu'à un certain point. Vous devez savoir, il faut que je vous dise. Rien d'autre que ce que vous désirez dire, interrompit Lagnard. Le fait que je vous ai quasi séquestré, sous prétexte de vous rendre service, et que je vous soupçonnais d'être à la solde de la meute, ne me donne aucun titre à vos confidences. Puis-je vous blâmer d'avoir pensé ainsi ? Elle continua lentement, sans lever les yeux, le regard attaché sur ses doigts entrelacés. C'est pour mon propre repos que je tiens à ce que vous sachiez ce qu'autrement peut-être je ne vous aurais pas dit, pas encore en tout cas. Je ne suis pas plus la fille de Bannon que vous n'êtes son fils. Nos noms se ressemblent, les gens les confondent fréquemment. Je m'appelle Shannon, Lucy Shannon. Monsieur Bannon m'appelait Lucia pour me taquiner, parce qu'il savait que cela me déplaisait. Pour la même raison, il fait toujours semblant que je suis sa fille, quand les gens s'y méprennent. Mais s'il en est ainsi, alors pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. mais elle ne levait toujours pas les yeux. « Je suis infirmière de métier. Monsieur Bannon est tuberculeux. Si j'avançais que c'est un miracle qu'il ne soit pas déjà mort depuis des années. Durant des mois, j'ai eu l'idée obsédante que c'est sa seule méchanceté qui le maintenait en vie. Ce fut peu de temps après mon entrée à son service que je découvris alors quelque chose à son sujet. Il eut une hémorragie étant à son bureau. Et pendant son évanouissement, alors que j'attendais le docteur, je remarquai par hasard l'un des papiers sur lequel il travaillait quand il tomba. Et alors, juste comme je commençais à comprendre de quel genre d'homme j'étais la salariée, il revint à lui et vit et comprit. Je m'aperçus qu'il me regardait avec ces terribles yeux qu'il sait faire, et bien qu'il fût hors d'état de prononcer une parole, je sentis que ma vie serait compromise si jamais je soufflais mot de ce que je venais de lire. Je l'aurais volontiers quitté alors, mais il était trop rusé pour moi, et quand à la fin je trouvai une occasion de m'échapper, j'eus peur de ne pas vivre longtemps si je le quittais. Il s'employa délibérément à entretenir ma crainte, et bien qu'il ne reparlât jamais de la chose en elle-même, il me fit comprendre clairement, de mille manières, quelle était sa puissance et ce qu'il m'arriverait si je soufflais mot de ce que je savais. Il y a maintenant de cela près d'un an, presque une année de terreur continuelle. » Sa voix se brisa. Elle tremblait au rappel de ses souffrances durant cette longue année de servitude. Et Lanière se sentit tout à coup trop ému pour pouvoir parler. Il restait ébahi, regardant cette femme, à la fois profondément et agréablement féminine, et si singulièrement forte et courageuse. Et il songeait confusément aux tortures qu'avait dû lui causer son association obligée avec un individu de trempe aussi impitoyable que Bannon. Il se sentit déchiré de pitié et se jura qu'il la soutiendrait et la rendrait libre et heureuse, dût-il mourir pour cela ou finir à la santé. Il s'entendit murmurer. « Pauvre, pauvre enfant !»« Ne me plaignez pas, » fit-elle, le visage toujours détourné. « Je ne le mérite pas. Si j'avais la moindre fermeté, je l'aurais bravé. Il ne fallait que le courage de dire un mot à la police. » « Mais qui est-il donc ? » demanda Lagnard. « Qu'est-ce qu'il est, vais-je dire ? » ?»« Je ne sais que vous répondre, et j'ose à peine. Il me semble que ces murs vont me trahir si je parle. Mais pour moi, il est l'incarnation du mal. » Elle se reprit avec un rire nerveux. « Mais pourquoi dire des bêtises ? Je ne sais, en réalité, ni qui il est, ni ce qu'il est. Je soupçonne seulement. Je crois que c'est un homme dont la vie est consacrée à méditer le mal » et à en ordonner l'exécution à ses séides. Quand les journaux de chez nous parlent de l'homme qui est à la tête, ils désignent sans s'en douter Archer Bannon, ou bien je ne suis qu'une visionnaire, exagérant les impressions d'une imagination malade. Et voilà tout ce que je sais de lui d'intéressant. Mais pourquoi, si vous croyez tout cela, comment avez-vous enfin trouvé le courage ? Parce que je n'avais plus le courage de supporter ma vie, parce que j'avais plus peur de rester auprès de lui que de m'en aller. Peur que ma propre âme ne fût entraînée. Et alors, la nuit dernière, il m'ordonna d'aller dans votre chambre et d'y fouiller pour trouver la preuve que vous êtes le loup solitaire. C'était la première fois qu'il me demandait quelque chose de ce genre. J'avais peur, et tout en obéissant, j'ai été heureuse quand vous m'avez interrompue, heureuse même d'avoir à mentir comme je l'ai fait. Et une fois rentrée dans ma chambre, tout cela a agi sur moi, si bien que j'ai senti que je n'y pouvais plus tenir. Et après un long moment, quand la maison me parut tout à fait endormie, je me suis levée, habillée sans bruit, et voilà comment je vous ai rencontrée, tout à fait par hasard. Mais vous sembliez si effrayée la première fois que vous m'avez vue. Je l'étais, avoua-t-elle simplement. Je croyais que c'était Monsieur Gregg. Monsieur Gregg ? Le secrétaire particulier de Bannon, son bras droit. Il est à peu près de votre taille et a un costume pareil à celui que vous portez. Et dans ce mauvais éclairage, à distance, je ne remarquais pas que vous étiez tout rasé. Gregg porte la moustache. Alors c'est Gregg qui a assassiné Roddy et qui a tenté de me droguer? Parbleu, j'aimerais savoir si la police est allée là-bas avant Bannon ou si quelqu'un d'autre a découvert la substitution. C'était un télégramme à la police, savez-vous bien, que j'ai envoyé de la bourse la nuit dernière. Devant son agitation, Lanière se mit à arpenter la salle à grands pas. Et à présent qu'il ne la fixait plus, la jeune fille releva la tête et le suivit des yeux dans ses évolutions. Il parlait à haute voix, plus pour lui-même que pour elle. « Je voudrais le savoir. Et quelle heureuse chance que vous m'avez rencontrée. Car si vous y étiez parti à la gare du Nord, Il n'est pas impossible que Bannon ait découvert votre disparition avant 8 heures ce matin, n'est-ce pas ? Je le crains en effet. Et ils ont mis l'embargo pour moi sur toutes les issues possibles de Paris. Il y a partout en sentinelle des apaches de Popinot. Et si Bannon avait découvert à temps la vérité à votre sujet, il ne lui eût fallu qu'un mot. » Il s'arrêta et frissonna, en songeant à ce qui aurait pu arriver si ce mot avait été prononcé et la jeune fille retrouvée attendre son train dans la gare du Nord. « Grâce à Dieu, nous avons évité cela. Et maintenant, je l'espère, Bannon doit être occupé à tâcher de faire sortir son précieux monsieur Greg de la santé pour que nous ayons une chance. Et tout ce que je demande, c'est la possibilité de m'en tirer. » La jeune fille se pencha vers lui, par-dessus la table, dans une posture de vif intérêt. « Monsieur Lagnard, avez-vous quelque idée pourquoi Monsieur Bannon vous hait tellement ?»« Il me hait, en vérité, je l'ignorais. » »« Sinon, pourquoi se serait-il efforcé de faire retomber sur vous la responsabilité de l'assassinat et aurait-il désiré tellement savoir si vous étiez bien le loup solitaire ?»« J'ai vu flamber ses yeux quand de Morbihan a cité ce nom après le dîner. » Et si jamais j'ai aperçu de la haine dans les traits d'un homme, c'est sur les siens, quand il vous a considéré, tandis que vous ne le regardiez pas. Autant que je me rappelle, je n'avais jamais entendu parler de lui jusque-là, dit négligemment Lagnard. Je suppose que ce qui l'excite, c'est tout bonnement l'attrait d'une chasse à l'homme. À présent qu'ils m'ont repéré, de Morbihan et sa bande n'auront plus de cesse tant qu'ils n'auront pas eu ma peau. Mais pourquoi ? Jalousie professionnelle. Nous sommes tous de la pègre, tous du même bateau. Malgré cela, je ne voudrais pas ramer sur leurs galères. J'ai toujours joué mon jeu à part avec succès. Or, ils viennent prétendre que je me mette dans leur jeu et qu'ils partagent mes gains. Et je leur ai dit où ils pouvaient aller. Et pour cela, ils veulent... Il n'y a rien qu'ils ne voudraient pas, mademoiselle Shannon, pour m'amener à leurs pieds ou me voir mettre hors de leur chemin, car ainsi, mes opérations ne nuiraient plus à leur portefeuille. Eh bien, tout ce que je demande, c'est la possibilité de m'en tirer et qu'ils fassent à leur guise. » Elle fronça les sourcils. « Je ne comprends pas bien. Vous voulez donc vous rendre, céder à leurs exigences ?»« D'une façon, oui. Je veux la possibilité de faire ce dont ils ne devraient à aucun prix s'attribuer l'honneur, c'est-à-dire abandonner tout et leur laisser le champ libre. » Et comme elle l'interrogeait du regard, il appuya. « C'est mon intention. Je veux me retirer, déblayer le terrain, lâcher le jeu pour de bon. » Un petit silence accueillit cette déclaration. Lagnard, arrêté près de la table où il s'appuya d'une main, penchait vers les yeux levés de la jeune fille un regard sérieux mais candide. Et dans les profondeurs de ses yeux, qui ne se détachaient pas des siens, il crut voir un trouble singulier. On eût dit qu'une lumière y naissait, flamme d'abord minuscule, timide et vacillante, mais qui de minute en minute s'affermissait et devenait plus haute, quoique toujours dansante. Si bien que lui, perdu dans son émerveillement et oublié de lui-même, il croyait voir le visage flamboyant d'un chérubin qui dansait aux profondeurs de quelques forêts cuivrées d'automne. « C'est vous » soupira-t-elle avec incrédulité. « Vous-même qui allez cesser ?»« J'ai déjà cessé, mademoiselle Shannon. Le loup solitaire a rôdé pour la dernière fois. Je l'ignorais jusqu'à mon réveil, il y a une heure, mais j'ai accompli mon dernier exploit. » Il s'aperçut qu'elle avait des mains petites, en rapport avec la gracilité de sa personne, mais qu'elle ne le semblait pas au premier abord. Elles offraient un aspect de force et d'adresse convenant à des mains rompues aux fonctions d'infirmière, et il les vit toutes deux, poings serrés et frémissants, posées sur la table, comme si leur maîtresse luttait pour cacher les symptômes d'une émotion aussi forte qu'incompréhensible pour lui. « Mais pourquoi ? » demanda-t-elle avec stupéfaction. « Pourquoi dites-vous cela ? Que peut-il être arrivé qui vous incite ?»« Ce n'est toujours pas la peur de la meute, » ricana-t-il. « Pour ça, non, je vous le garantis. » « Et... je le sais bien, » fit-elle avec impatience. « Je le sais très bien. Malgré cela, je ne comprends pas. » Il attira à lui la chaise et s'assit de nouveau, faisant face à Lucie, par-dessus la table encombrée. « Si cela ne vous ennuie pas, je vais essayer de vous expliquer. » Je ne pense pas que vous vous soyez jamais arrêté à considérer combien profondément stupide doit être un montant-l'air. La plupart d'entre eux sont stupides parce qu'ils exercent gauchement l'une des professions les plus difficiles qui soient et y échouent inévitablement. Mais ils s'obstinent. il ne songerait pas à entreprendre, de but en blanc, une tâche d'ingénieur civil, mais il s'attaque d'emblée à une périlleuse opération de cambriolage, et après avoir payé leur échec par des années de prison, une fois libéré, il recommence. Ce genre de malfaiteur, qui forme les 99 centièmes de la corporation, est incurablement stupide. Il y en a une autre catégorie, ceux que leur imagination avertit du danger, et que leurs capacités intellectuelles, leur instruction technique et leur dextérité manuelle autorisent à s'attaquer aux plus redoutables opérations, par exemple à forcer le secret d'un coffre-fort moderne. Il y a les malfaiteurs qui réussissent, comme moi, mais ils ne sont pas moins stupides, ils ne sont pas moins des ratés que les 99 centièmes parce qu'ils ne s'arrêtent pas à réfléchir. Ils ne se disent jamais que la même intelligence, appliquée à un quelconque des métiers qu'il leur faut posséder, non seulement les récompenserait mieux de leur peine, mais leur laisserait leur honorabilité et les délivrerait pour toujours de cette crainte de l'arrestation qui nous obsède tous comme le souvenir d'un acte honteux. Mais je ne veux pas vous faire une conférence, mademoiselle Shannon, et je résume en deux mots. Moi, je me suis arrêtée à réfléchir. Là-dessus, il se tut, hors d'haleine, et resta un moment silencieux, avec un pâle sourire crispé qui témoignait de sa sincérité. Mais bientôt, voyant qu'elle ne cherchait pas à l'interrompre, il continuait à lui prêter une attention si exclusive qu'on l'eût dite fascinée. Il reprit tout d'abord avec moins d'assurance. Quand je me réveillais, c'était comme si, à mon insu, j'avais pensé tout cela dans mon sommeil. Je me vis pour la première fois nettement, tel que je l'avais toujours été, d'aussi loin que je me souvienne, un malfaiteur, irréfléchi, vaniteux, rapace, inquiet, tapis dans l'ombre et me croyant très joli garçon parce que, entre deux mauvais coups, je jouais un peu au gentleman, m'aventurais à la lumière et me montrais dans les réunions distinguées. Dans mon pauvre cerveau perverti, je pensais qu'il y avait quelque chose de beau et de passionnément romantique dans la carrière d'un grand criminel et je m'estimais un personnage supérieur, un ennemi de la société. « Pourquoi me dites-vous cela ? » demanda-t-elle tout à coup en sortant d'une période de songerie profonde. Il haussa les épaules d'un air détaché. « Parce que, j'imagine, j'ai perdu mon orgueil. J'en étais tout pétri il y a 24 heures. Mais à présent, je suis esselé comme un enfant perdu dans une forêt sombre. Je n'ai pas un ami au monde. Je suis pareil à un pauvre chien abandonné qui recherche la sympathie. Et vous avez le malheur d'être la seule personne à qui je puisse me confier. Il va y avoir une lutte, je le sais trop bien, et sans rien d'extérieur pour me stimuler, je serai lourdement handicapé. Mais si... » Il hésita avec un air de désir ardent. « Si je croyais que vous, peut-être, vous vous intéressez un peu à moi, si j'osais espérer que vous seriez heureuse de savoir que j'ai triomphé des circonstances, ce serait beaucoup pour moi, ce serait peut-être mon salut. » Il ne la quittait pas des yeux, attendant sa décision, avec l'angoisse d'un proscrit qui espère le pardon contre toute espérance. Il la vit hésiter, les yeux détournés, les lèvres entr'ouvertes, et sans la laisser parler, il reprit bien vite. « Ne dites rien encore, laissez-moi d'abord vous prouver ma sincérité. Jusqu'ici, je n'ai rien fait pour vous convaincre, sinon des discours. Donnez-moi la possibilité de vous prouver ce que je dis. « Comment ? » prononça-t-elle avec un effort visible. « Comment pouvez-vous me donner cette preuve ?» À la longue, en adoptant une façon de vivre honnête, quoique modeste. Mais tout de suite, et surtout en réparant le dernier méfait que j'ai commis et qui n'est pas irréparable. Elle lui lança un regard interrogateur et il y répondit par un signe de tête confiant, tout en plaçant sur la table l'écrin de maroquin. « À Londres hier, » fit-il tranquillement, « j'ai exécuté deux gros coups. L'un fut délibéré, l'autre improvisé sur le champ. Celui que j'ai médité pendant des mois, c'est le vol des bijoux Humbert, que voici. » Il frappa sur l'écrin et reprit du même ton. « L'autre affaire exige un schéma. Il y a peu de temps, un Français nommé Huysmans, qui habitait Tours, fut assassiné dans des circonstances mystérieuses. C'était un pauvre inventeur, qui s'était réduit à la misère pour perfectionner un stabilisateur, un appareil destiné à rendre les aéroplanes pratiquement inchavirables. Ses derniers essais firent sensation, et il était à la veille de vendre son invention au gouvernement quand il fut tué et ses plans disparurent. Tous les indices semblaient accuser de ce meurtre un espion international du nom d'Extrom, Adolf Extrom, jadis chef du service d'aviation de l'armée allemande, renvoyé pour diverses indélicatesses et soupçonné de trahir. Mais Extrême demeura introuvable, et bientôt les plans arrivèrent au ministère de la guerre allemand. C'était une bonne aubaine pour l'Allemagne, déjà supérieure par ses dirigeables. L'acquisition du stabilisateur lui permettait une avance de 10 ans sur les autres nations en matière d'aéroplanes. Or, hier, Extrême reparut à Londres, avec ces mêmes plans qu'il voulait vendre à l'Angleterre. Le hasard le mit sur mon chemin, et il me prit pour l'homme qui lui avait donné rendez-vous, un agent secret de Downing Street. Eh bien, peu importe comment, j'ai obtenu de lui les plans, et je les ai apportés avec moi, dans l'intention de les offrir à la France, qui y a droit. « Sans récompense ?» demanda la jeune fille. « Pas précisément. J'avais l'intention de ne pas tirer profit de l'affaire, car je ne mange pas de ce pain-là, mais dans les circonstances actuelles, si la France tient à me récompenser par un sauf-conduit pour quitter le pays, je ne refuserai pas. M'approuvez-vous ? » Elle fit un signe affirmatif. Ce serait plus que criminel de rendre ses plans à Extrême. C'est bien ainsi que je l'entends. Mais ceci... Et la jeune fille posa la main sur l'écrin. Ceci fait retour à Madame Humbert. Elle a ici à Paris un domicile que je connais très bien. En fait, l'unique raison qui m'a empêché d'y voler les bijoux, c'est qu'elle est partie pour l'Angleterre à l'improviste, juste comme je m'apprêtais à faire le coup. Maintenant, je me propose d'utiliser ma connaissance des lieux pour restituer les bijoux sans risque de tomber entre les mains de la police. Ce sera facile. Et ceci m'amène à vous parler d'une grande faveur que je veux vous demander. » Elle lui lança un regard d'une telle douceur inattendue qu'il en fut ébranlé. Mais il se surmonta. « Vous ne pouvez plus désormais quitter Paris avant le matin, grâce à ce que j'ai trop dormi. Je ne vois aucun moyen honnête de me procurer de l'argent avant l'ouverture des bijoutiers qui prêtent sur gage. Mais j'aime à croire que ce ne sera pas nécessaire et que je pourrai arranger les choses sans aller jusque-là. En attendant, êtes-vous d'avis qu'il faut rendre ces bijoux ?»« Certes, » fit-elle avec chaleur. « Alors, voulez-vous m'accompagner tandis que je les restitue ? Il n'y aura aucun danger, je vous le promets. Même, ce serait plus hasardeux pour vous de m'attendre ailleurs pendant que j'exécute la chose seule, et j'aimerais vous convaincre de ma bonne foi. Ne croyez-vous pas que vous pouvez vous fier à moi pour cela aussi ? » demanda-t-elle avec un rien d'impatience. « Me fier à vous. Pour vous croire, monsieur Lagnard, » dit-elle doucement mais fermement, « je vous crois. Vous me rendez heureux, mais j'aimerais que vous voyiez par vous-même, et je serai content de ne pas avoir à m'inquiéter à votre sujet pendant mon absence. Comme agence d'espionnage, la brigade d'Apache de Popinot est sans égale en Europe. Je crains réellement de vous laisser seule. » Elle resta muette. « Voulez-vous venir avec moi, mademoiselle Shannon ? C'est là votre seule raison de me demander cela ? » reprit-elle en l'examinant avec attention. « Que je désire que vous croyiez en moi ? Oui. » « Pourquoi ? » continua-t-elle inexorable. « Parce que... Mais je vous l'ai déjà dit. Vous m'avez dit que vous désiriez vous reposer sur la bonne opinion de quelqu'un. Mais pourquoi allez-vous me choisir entre tous, moi que vous connaissez à peine, moi de qui le peu que vous savez n'a rien de rassurant ?» Il rougit et hésita à répondre. « Je ne puis vous le dire, » avoua-t-il enfin. « Pourquoi ? Ne pouvez-vous pas me le dire ?» Il la regarda d'un air malheureux. « Je n'en ai pas le droit. En dépit de tout ce que je vous ai dit, en dépit de la confiance que vous me promettez si généreusement, je dois encore passer à vos yeux pour un voleur, un menteur, un imposteur, de mon propre aveu. Les simples protestations, ni même les efforts, ne suffisent pas à créer des hommes nouveaux en une heure, un jour, ni une semaine. Mais accordez-moi un an, si je vis un an dans l'honnêteté, et si je gagne mon pain, éprouve ainsi ma force de volonté, alors peut-être trouverai-je le courage, l'audace, de vous dire pourquoi je tiens à votre bonne opinion. À présent, j'en ai dit plus que je ne le voulais, ou que je n'en avais le droit. J'espère, hasarda-t-il timidement, que je ne vous ai pas offensé. » Elle détourna presque aussitôt le regard inflexible dont elle l'avait couvert jusque-là, car elle ne pouvait plus ignorer ce qu'il voulait dire. Elle abaissa les paupières. Le rouge envahit son visage, et d'un geste prompt, écartant un peu sa chaise de la table, elle se tourna de côté. Mais elle se tut. Il resta dans la même position, penché avidement vers elle. Et dans la longue minute qui s'écoula, avant que l'un d'eux reprît la parole, tous deux furent singulièrement frappés du silence qui régnait dans cette petite maison solitaire, de leur isolement dans le monde, de leur péril commun, et de leur solidarité. Je crains, reprit enfin Lagnard, je crains bien de savoir ce que vous devez penser. On ne peut faire à votre intelligence l'injure de croire que vous ne m'avez pas compris. Vous avez lu dans mon esprit et dans mon cœur. Je reconnais que j'ai eu tort de parler si clairement, de vous laisser entendre mon affection pour vous, en un tel moment, en de telles circonstances. J'en suis vraiment au regret, et je vous prie de considérer comme non avenu tout ce que je n'aurais pas dû dire. Après tout, qu'est-ce que cela peut bien vous faire, qu'un voleur se résolve tout à coup à changer d'existence ? Là-dessus, elle se dressa brusquement, et tourna vers lui un visage rayonnant de grâce et des yeux merveilleusement émus et attendris. « Non !» s'exclama-t-elle d'une voix entrecoupée. « Je vous en prie, il ne faut pas me gâter. Vous m'avez fait le plus beau des compliments, et de celui-là, j'en suis heureuse et reconnaissante, et je voudrais croire que je le mérite. Vous dites qu'il vous faut un an pour vous affirmer, alors, mais je n'ai pas le droit de dire ceci, et vous devez, s'il vous plaît, ne pas m'en demander l'explication. Alors je vous accorde cette année. Une année, j'attendrai de vos nouvelles à partir du jour de notre séparation, ici, à Paris. Et ce soir également, je vous accompagnerai, et avec joie, puisque vous le désirez. » Et comme il s'était levé et restait interdit, frémissant et n'osant croire, elle lui tendit la main d'un geste noble et généreux. « Monsieur Lagnard, je vous le promets. » Toute femme a son heure de beauté, même la moins jolie. Jusqu'à ce moment, Lagnard n'avait pas eu dans l'idée que cette femme pût être belle. Il avait bien constaté son charme étrange, sa grâce pensive et mélancolique, tout comme il avait dû s'avouer qu'elle était tout pour lui, qu'il l'aimait de toutes les forces de son être. Mais il venait seulement de comprendre que c'était la seule femme dont la séduction pour lui effacerait les appâts de toutes les autres. En un instant, incapable de détourner les yeux d'elle, il garda sur le bout de ses doigts la main frémissante de sa compagne, comme s'il craignait de la meurtrir par un contact plus rude. Puis, avec respect, il inclina la tête et posa ses lèvres sur cette main. Mais il se la sentit arracher vivement, et il se redressa dans un sursaut, tandis que son idylle se dissipait brutalement et que le château de cartes de ses songes s'effondrait en tonnerre autour de lui. À l'étage au-dessus, dans le lanterneau de l'escalier, un carreau venait de casser et de s'éparpiller en morceaux avec un fracas aussi sinistre que la trompette du jugement.